Ainsi, avec un dévouement complet pour le prisonnier, la duchesse et le premier ministre n'avaient pu faire pour lui que bien peu de choses. Malgré l'or jeté à pleine main, la duchesse n'avait pu faire un pas dans le siège de la citadelle. Comme nous l'avons dit, le jour de son emprisonnement, Fabrice fut conduit d'abord au palais du gouverneur. Des fenêtres de ce petit palais, isolées sur le dos de l'énorme tour comme la bosse d'un chameau, Fabrice découvrait la campagne et les Alpes fort au loin. Son œil ravi apercevait distinctement chacun des sommets de l'immense mur que les Alpes forment au nord de l'Italie. Ces sommets, toujours couverts de neige, même au mois d'août où l'on était alors, donnent comme une sorte de fraîcheur pour souvenir au milieu de ces campagnes brûlantes. La vue si étendue du joli palais du gouverneur est interceptée vers un angle au midi par la tour Farnèse, dans laquelle on préparait à la hâte une chambre pour Fabrice. Cette tour Farnèse où, après trois quarts d'heure, l'on fit monter Fabrice, fort laide à l'extérieur, est élevée d'une cinquantaine de pieds au-dessus de la plateforme de la grosse tour. Ce fut dans l'une des chambres, d'où il semblait difficile de pouvoir s'échapper, construite depuis un an et chef-d'œuvre du général Fabio Conti, laquelle avait reçu le beau nom d'obéissance passive, que Fabrice fut introduit. Il courut aux fenêtres. La vue qu'on avait de ces fenêtres grillées était sublime. Un seul petit coin de l'horizon était caché, vers le nord-ouest, par le toit en galerie du joli palais du gouverneur, qui n'avait que deux étages. Et d'abord, les yeux de Fabrice furent attirés vers une des fenêtres du second étage, où se trouvait, dans de jolies cages, une grande quantité d'oiseaux de toutes sortes. Fabrice s'amusait à les entendre chanter. Il y avait lune ce jour-là, et au moment où Fabrice entrait dans sa prison, elle se levait majestueusement à l'horizon, à droite, au-dessus de la chaîne des Alpes. Au couchant, un brillant crépuscule rouge-orangé dessinait parfaitement les contours du mont Viso et des autres pics des Alpes qui remontent de Nice vers le mont Cenis et Turin. Sans songer autrement, à son malheur, Fabrice fut ému et ravi par ce spectacle sublime. C'est donc dans ce monde ravissant que vit Clélia Conti. Avec son âme pensive et sérieuse, elle doit jouir de cette vue plus qu'un autre. On est ici, comme dans des montagnes solitaires, à 100 lieues de Parme. Ce ne fut qu'après avoir passé plus de 2 heures à la fenêtre, admirant cet horizon qui parlait à son âme, et souvent aussi s'arrêtant avec les yeux sur le joli palais du gouverneur, que Fabrice s'écria tout à coup « Mais ceci est-il une prison? Est-ce là ce que j'ai tant redouté ?» Mais le moindre mouvement du prisonnier était épié par le geôlier Grillo, avec qui Fabrice est pourtant en assez bon terme. Et le lendemain, un menuisier commence à murer les fenêtres au grand désespoir de Fabrice, qui se plaît à contempler les oiseaux de Clélia dans la partie de la citadelle habitée par le gouverneur. Il se permet de saluer la jeune femme venue nourrir ses animaux. Malheureusement, l'abat-jour, masquant sa fenêtre, est terminé avant que Fabrice ait pu avouer à Clélia son amour. « J'aurais dû lui dire que je l'aimais, » s'écriait-il, car il en était arrivé à cette découverte. Cependant, il parvient, grâce à une croix en fer, à percer le bois de l'abat-jour, puis à en enlever une partie. Il commence alors à communiquer par signe avec la jeune femme, tandis qu'il se rend compte qu'il a totalement relégué sa tante à l'arrière-plan de son esprit, l'image sublime de Clélia Conti, en s'emparant de toute son âme, allait jusqu'à lui donner de la terreur. Pendant 2 mois de communication par signe, Fabrice essaie d'avouer son amour à Clélia. Elle avait déjà rempli de félicité ses 2 premiers mois de sa prison. C'était le temps où, 2 fois la semaine, le général Fabio Conti disait au prince « Je puis donner ma parole d'honneur à votre Altesse que le prisonnier Del Dongo ne parle à âme qui vive et passe sa vie dans l'accablement du plus profond désespoir ou à dormir. » Clélia venait 2 ou 3 fois le jour voir ses oiseaux, quelquefois pour des instants. Si Fabrice ne l'eût pas tant aimé, il eût bien vu qu'il était aimé. Mais il avait des doutes mortels à cet égard. Clélia avait fait placer un piano dans la volière, tout en frappant les touches, pour que le son de l'instrument pût rendre compte de sa présence et occupa les sentinelles qui se promenaient sous ses fenêtres. Elle répondait des yeux aux questions de Fabrice. Sur un seul sujet, elle ne faisait jamais de réponse, et même, dans les grandes occasions, prenait la fuite, et quelquefois disparaissait pour une journée entière. C'était lorsque les signes de Fabrice indiquaient des sentiments dont il était trop difficile de ne pas comprendre l'aveu. Elle était inexorable sur ce point. Il voulait correspondre avec elle au moyen de caractère qu'il traçait sur sa main avec un morceau de charbon dont il avait fait la précieuse découverte dans son poêle. Il réformait les mots lettre à lettre successivement. Cette invention eût doublé les moyens de conversation en ce qu'elle eût permis de dire des choses précises. Il n'avait du reste aucun soupçon d'un secret qui l'eût mis au désespoir s'il l'eût connu. Il était grandement question du mariage de Clélia Conti avec le marquis Crescenzi, l'homme le plus riche de la cour. Fabio Conti fait pression sur sa fille pour qu'elle accepte le mariage avec le marquis Crescenzi, alors que l'âme de Clélia est tout occupée de Fabrice et est déchirée par une jalousie mortelle, car Clélia est persuadée que Fabrice et la duchesse Sanseverina s'aiment, et elle ne parvient pas à croire que le prisonnier soit vraiment fou d'amour pour elle. De peur d'être envoyée au couvent, et donc de ne plus voir Fabrice, Clélia accepte le mariage avec le marquis. Le lendemain, elle se met à son piano et entame un récitatif pour transmettre au prisonnier sa peur qu'il ne soit empoisonné. Elle lui annonce aussi qu'elle va lui transmettre du pain et du chocolat et qu'il ne doit, en aucun cas, accepter la nourriture de la prison. Fabrice en profite pour écrire au charbon sur sa main « Je vous aime et la vie ne m'est précieuse que parce que je vous vois. » Clélia ne lui répond pas, mais accepte de correspondre avec lui grâce à un alphabet de grosses lettres qu'elle découpe dans un cahier. Fabrice ne laisse pas de s'étonner. N'est-il pas plaisant de voir que le bonheur m'attendait en prison? Fabrice fut agréablement surpris quand, après 135 jours de prison, dans une cage assez étroite, le bon aumônier Don Cesare vint le chercher un jeudi pour le faire promener sur le donjon de la tour Farnese. Fabrice n'eut pas été 10 minutes que, surpris par le grand air, il se trouva mal. Don Cesare prit prétexte de cet accident pour lui accorder une promenade d'une demi-heure tous les jours. Ce fut une sottise. Ces promenades fréquentes eurent bientôt rendu à notre héros des forces dont il abusa.